Bonjour tout le monde, vous êtes dans la voie des guerriers. Je suis accompagné comme d'habitude de Frédéric L'Homme Nouvelle Garcia et on reçoit l'un de nos invités favoris pour se mettre à jour sur les potins dans le monde du MMA. On reçoit Stéphane Vigneault. Alors, bonjour Stéphane. Salut, salut. Est-ce que ça va bien? Parce que là, il y a quand même ton frère a eu une blessure malheureuse. Alors, j'imagine que ça va pas tant bien pour toi non plus en ce moment. Ben, je veux dire, ça va tant. Je veux dire, on n'a pas aucun pouvoir là-dessus. Je veux dire, quand Steve s'est blessé, c'est sûr, sur le coup, on s'est dit, il va être out longtemps. C'est juste une grosse blessure sérieuse. Mais, je veux dire, tu sais, moi-même, j'ai eu ma part de blessure, fait que je comprends un peu comment qu'il est, mais je veux dire, tu sais, on n'a pas le choix. Je veux dire, on a la vie de combattant ultime, l'entraînement, tout, c'est un des entraînements les plus tough dans le monde du sport professionnel. Puis les blessures, ça fait partie. Sauf des fois, il y a des blessures plus sérieuses que d'autres, comme là, c'est une blessure sérieuse. Mais je veux dire, il va falloir qu'il prenne le temps de guérir et se réentraîner, puis revenir. Raconte-nous comment ça s'est passé, c'est quoi la blessure exactement, c'est quoi la gravité, puis combien de temps sa convalescence? C'est une blessure à la cheville. Steve était tout le lundi, c'est le sparring des professionnels puis des invités. On fait tous les combattants professionnels du TriStar, plus les invités comme Nadel Khatib ou Steve Flavos, tout le monde associé avec nous. Puis le sparring avec les petits gants, c'est-à-dire que le debout, on fait un peu juste toucher un peu, je veux dire, plus les distances, puis on va beaucoup en niveau grappling, les double legs, les takedowns, les jiu-jitsu, tout. Puis, je veux dire, Steve était avec Nordin Taleb. Puis, Nordin était pour un takedown. Puis, c'est sûr qu'à combat au niveau grappling, on va être pas mal à 100%. Puis, c'est juste un accident. Son Steve a voulu comme sprawler. Ça a comme sprawler à moitié. Puis, son pied, il y avait beaucoup de poids sur son pied. Puis, son pied a comme agrippé un peu sur le tapis. Puis, il y avait son poids lui, plus le poids de Nordin Taleb. Puis, la cheville a déplacé. Ce qui veut dire, à l'épaule, comme tout le monde peut penser, elle n'a pas été sur le côté, comme quand on se foule la cheville. Souvent, on se foule la cheville sur le côté, le côté supérieur, du côté, on va dire, le côté de la petite orteil. On se retourne vers là, puis là, on se foule la cheville. Ça a été du côté contraire, par l'intérieur, ce qui est très, très, très rare. Puis, ça a fait... moi, j'étais pas sur place. Je veux dire, mais le monde qui était là, les fans qui étaient là, ça a fait un gros crack. Puis, la cheville était vraiment dépassée sur le côté. Mais, je veux dire, j'ai eu l'appel, puis j'ai été le rejoindre. Mais avec le temps qu'on se rende là, puis que l'ambulance arrive, c'est sûr que les ligaments, ça travaillait par eux-mêmes, puis s'est replacé un peu par lui-même, mais pas beaucoup. On voyait, c'était extrêmement enflé. Puis c'était la cheville n'était plus dans son axe. Puis on espérait tout que ça soit juste disloqué, mais rendu à l'hôpital, je veux dire, c'était fracturé, plus un morceau du péroné aussi qui a été fracturé à l'avant. Fait que t'es obligé de se faire de replacer manuellement et ensuite se faire opérer plus tard le soir pour mettre des vis, pour se replacer ça dans la bonne ligne. C'est vraiment une combinaison de malchance puis de circonstances plates qui ont fait en sorte, à un moment donné, peuvent arriver. C'est comme j'ai dit à Steve, j'ai dit au moins t'as réussi à faire un combat avant. Ça faisait longtemps que t'avais pas combattu, j'ai dit au moins. Parce qu'il y avait beaucoup de blessures. Je dis là, au moins, tu as réussi à en faire un. Ouais, faut vivre avec ça. Puis j'ai l'impression, Stéphane, que l'expérience de son retour gagnant, parce qu'il n'avait pas combattu depuis 2006. Puis là, en 2009, vers la fin 2009, il a fait un combat face à Dan Chambers. Ça s'est très bien passé. Mais en fait, ça s'est pas passé, je pense, selon votre plan de match nécessairement. Mais Stéphane. Non, ça s'est passé comme Steve voulait, puis c'était tout. Mais c'est ça. Comme dans le bon vieux temps, là. Puis la foule a bien apprécié le spectacle. Puis j'ai l'impression que toi, puis Steve, vous avez. Surtout Steve, j'imagine, qui a aimé son retour, puis qu'il avait vraiment des idées de vouloir. Encore, il était plus assuré qu'il voulait encore faire d'autres combats. Est-ce que je me trompe? Je le poussais beaucoup depuis le temps qu'il combattait pas pour qu'il puisse combattre. Puis, je veux dire, moi, je peux pas combattre. C'est que pour moi, c'est comme un plus. Je m'occupe juste de Steve, pousser plus sur lui. C'est comme si on serait une personne, mon PC, c'est même je vois ça. Moi, je peux pas battre, mais lui, moi, il pouvait se battre. Fait que ça m'a. Le voir gagner, tout ça, c'est la même affaire que ce serait moi qui gagnerais. Puis, mais là, il va falloir qu'il guérisse ça et qu'il revienne. Le docteur a dit que c'est un minimum de 6 mois, 1 an avant de remonter dans un ring. Ah oui, ok. Puis, c'était, ouais, c'est une blessure assez très sérieuse. Puis j'ai quelqu'un au gym qui a déjà subi ça par erreur dans le passé en lutte. Je vais lui demander combien de temps ça avait repris, je m'en souviens pas. Puis je dirais anyway, il a été opéré à l'hôpital général. Puis notre docteur revient de vacances cette semaine. On va faire transférer ses dossiers à Saint-Eustache, qui est notre docteur, ou qui est le docteur qui nous a tout opéré, moi, mon genou, et opéré tout le monde, Georges, et ainsi de suite. Puis c'est lui qui va suivre Steve comme d'habitude. Puis je veux dire, on espère que ça va être plus moins long ce que le docteur dit. Mais tu sais, quand il y a des vis puis tout, faut la réadaptation, puis la physio, puis remettre dans le training, puis il va falloir qu'il tape ses chevilles en training, puis qu'il fasse l'attention plus. J'avais jamais eu la plus grosse blessure sérieuse que Steve avait eue, ça avait été sa fracture du nez, face à Chris Fontaine. Mais le nez, je veux dire, tout combattant ultime, on Ouais. se l'a presque fait casser. Je veux dire, moi, je me l'ai fait casser en training avec Terry Kendall dans un accident. Puis, en sparring, ça m'a presque tout arrivé. C'est quelque chose de commun, mais des chevilles, des genoux, des coudes, des choses qui ne nous arrivent pas très, très souvent. C'est la première fois qu'il y a une blessure sérieuse de même. J'ai hâte de voir un peu comment il va réagir à son retour. Mais anyway, le retour va être long, fait qu'on a bien, bien du temps avant que ça arrive. Alors, le plan de match pour l'instant, c'est vraiment, ça compromet pas sa carrière pour autant, là. Ben, Vous je veux dire, envisagez vraiment qu'il revienne? il m'a pas dit, moi, là, quand j'ai arrivé à l'hôpital avant qu'il se fasse opérer, il savait, puis il m'a dit, alors, il va faire attention qu'est-ce que je mange, puis je veux dire, aussitôt que je peux faire du Bowflex, des choses comme ça, quelque chose qui n'a pas vraiment utilisé beaucoup sa cheville, ben, il va le faire pour garder l'entraînement, puis donc, pour garder un peu l'énergie, pour garder un petit peu le cardio et tout. Il veut pas devenir gros, plutôt, il va bien manger, suivre ses choses, rester en shape comme il était, puis non, non, il a pas l'air, ça. Au niveau mental, dans sa tête, il va revenir, c'est sûr, sauf la grille. Moi, je lui ai dit, Steve, moi, j'ai eu trois opérations, puis regarde, je suis encore là. C'est la première fois qu'il y a eu une blessure sérieuse. C'est sûr que c'était tough au début, mais même depuis le début qu'on était au Gym Tractor, on attendait tout pour l'ambulance. L'ambulance a été très long. L'ambulance a pris 2 heures. J'étais un peu très, très. J'étais très un peu déçu de ça. On était 2 heures à attendre l'ambulance. Peut-être que c'était pas un cas sérieux, un cas de mort, mais je veux dire, il y avait quand même la cheville sur le mauvais côté. On pouvait pas l'emmener nulle part, on pouvait pas le déplacer. Ça a été un peu long là-dessus. Mais je dirais même le temps que c'était arrivé à l'hôpital, au gym, qui est à l'hôpital, le mental toujours correct, pas de problème. Je veux dire, il a pas braillé, il n'y a pas quelque chose. Hein, il était bien réveillé, puis il a même fait des jokes, tout ça. C'est un accident, ça arrive, puis il faut passer par-dessus. On fait pas un sport facile. Puis c'est normal. Ouais, ben c'est ça. C'est un passage obligé d'avoir quelques blessures. On venait à peu près de signer son combat. J'avais déjà le contrat avec MFL pour combattre le 27. Puis on était en train de dealer l'adversaire. L'adversaire était supposé être Andrew Buckland. Mais Andrew Buckland n'était pas sûr d'être disponible. Sauf quand il a vu que c'était compétitif, il a vu que c'était une bonne opportunité. Il voulait ça. Il voulait peut-être prendre le combat. Mais on avait. Comme autre option, on avait Shawny Carter et Anthony Macias aussi. Puis Shawny Carter était notre ami aussi. Donc, on ne voulait pas, on voulait un gros gars. Oh. Puis Steve était prêt, il a dit n'importe qui, il dit que ça ne dérangeait pas. C'était les deux noms qu'on avait si Buckland ne voulait pas, c'était Shawny Carter ou Anthony Macias. C'est Anthony Macias qui a battu Shawny Carter au mois de novembre. Parce que Macias a lui-même dit qu'il était disponible. Et Shawny Carter, on connaît bon, un peu partout, n'importe où. Puis ça a été un bon shot pour Steve. Moi, je travaillais fort là-dessus, mais il est arrivé la blessure vendredi. On annule tout, puis on va recommencer à zéro quand il sera prêt. Hey, la dernière fois qu'on s'est parlé, Stéphane, tu nous avais parlé d'un de tes poulains là, dont tu gères la carrière, Dalen Logan. Dan Logan. Puis Dan Logan, honnêtement, il a recommencé l'entraînement. OK. Ça fait peut-être quelques semaines. Je ne suis pas sûr qu'il va être sur la carte de MFL. Mais s'il n'est pas sur la carte de MFL, il va être sur la prochaine carte de combat qu'il va avoir après à Montréal, que ce soit au Ringside, MFL ou peu importe l'organisation. Hein. Parce qu'il est en train de se remettre en forme. Puis quand Ferraz va me dire Dalen est prêt, on va le faire combattre. Il faut juste le remettre en forme. Dalen est un gars qui a une famille de 3 enfants. Il est jeune, il a 23, 24 ans. 24 ans, je crois. Je me souviens plus, c'est bizarre. Mais en plus, je pense qu'il a 24 ans. Puis il a une famille de 3 enfants. Quand XMMA et TKO a tombé, je veux dire, il a commencé à travailler dans la construction pendant l'été. Puis là, il a une famille à faire vivre, c'est normal. C'est qu'il s'entraînait un peu par plaisir. Puis là, il est prêt à recommencer à s'entraîner pour se battre. Puis on va voir. Quand Ferraz va dire qu'il est prêt, ben On va le mettre dans la cage, c'est ça. Toi, je pense que lorsque tu nous en as parlé, t'as beaucoup d'espérance pour lui, tu crois en lui. Puis honnêtement, moi, je ne le connais pas, Daniel Logan. Daylon est un gars qui apprend très vite, qui est un gars qui est une force physique vraiment incroyable. Tout le monde qui entraînait avec, quand on se parlait avec, quand on luttait avec, ils n'en reviennent pas. Ils disent, ce gars-là est fort, ça n'a aucun sens. Je le vois, moi, brasser des gars de 200 livres au gym, pareil, comme rien. Je l'ai vu mettre les gants, faire du sparring avec des gros noms, puis il brassait les gros noms partout à terre. C'est pas que le gars, il a un talent. Bon, son niveau technique, faut se dire, il est limité. Mais c'est qu'il est tellement fort physiquement, il a tellement de cœur, il sort de toutes les positions à cause de sa force beaucoup et à cause de son désir de gagner. Je veux dire, tu veux pas, c'est un Indien, c'est un Amérindien, c'est un Mohawk, c'est des personnes que les Mohawks, on sait tous qu'ils ont un gros background, un gros hérité en termes on va dire que c'est des personnes qui sont tough, c'est des personnes qui sont fortes, c'est des personnes qui vont à la guerre, puis il est venu dans Saint-Jean, puis non, c'est un gars qui va surprendre dans le futur. Ça, c'est certain. Je veux dire, il travaille fort. Ferrat, il croit en lui aussi. Puis moi, je crois en lui beaucoup aussi. Puis c'est sûr qu'on va en entendre parler. On va en entendre parler beaucoup de Dylan. Moi, la première fois que j'ai vu Dylan, juste pour te dire, c'était un tournoi de Jiu-Jitsu. Moi, j'organise des tournois de Jiu-Jitsu à TriStar, Oui. le TriStar Grappling Championship. J'en ai fait 5. Puis je devrais faire un deuxième bientôt. C'est la première fois que j'ai vu Dylan, il est venu s'inscrire. Il s'entraînait, ça faisait peut-être 3 mois en jiu-jitsu. Il a gagné sa division, il a choqué tout le monde. Il a choqué des gars qui étaient très bons aussi, des gars de TriStar qui a choqué, qui étaient très bons. Puis il a perdu, sa seule défaite a été en absolute, aussi il a battu tout le monde en finale. Il est arrivé contre le gars qui a gagné tout. Le gars qui a C'était qui à ce gagné, moment-là, si tu te souviens-tu? lui qui a gagné l'absolute, c'est un gars, je me souviens plus, il entraîne chez Fabio, c'est un champion canadien aussi en lutte. C'est un lutteur incroyable. Puis, il a gagné aussi les tryouts à Abu Dhabi, Nongi ou quelque chose comme ça à OK. Toronto. Puis, Dylan a perdu contre lui. Ça doit avoir duré. Je pense que j'avais fait obligé de faire un overtime. Puis, Dylan sortait de tous les soumissions à cause de sa force physique et non à cause de sa technique qui était limitée dans ce temps-là. Il s'entraînait pas beaucoup. Il n'était pas encore avec nous. Puis, il sortait de tous les soumissions. Et donc, le combattant qui était très grand, qui était très gros, puis qui avait une lutte incroyable. Puis, c'est là que j'ai vu, ce gars-là, il a. Quelque chose de il y a quelque chose de spécial, puis Ouais, après ça c'est un on a naturel, si je organisé, comprends bien, hein. c'est ça, c'est naturel. Puis après ça on a organisé à Fight Quest 4, je veux dire, il voulait combattre lui puis Leonard Terrence, les deux on les connaissait un peu. J'ai dit, ben là, je vais donner un combat, il a fait un combat son premier, le premier contre un gars, il a combattu un gars que je connais qui était 1-0 1 KO en amateur. C'est un gars qui était très fort physiquement aussi, d'autres gars qui faisait plus longtemps que Dylan qui s'entraîne. Premier round, Dylan le lancer partout dans le ring comme si c'était un débutant. Puis au deuxième round, il l'a knocké en premier coup de poing. Peut-être 3 secondes. La cloche venait de sonner. Il l'a knocké avec une gauche. Puis c'est là que j'ai dit, ce gars-là, il n'y a pas d'affaire dans l'amateur. La vitesse où il apprend et il est deux personnes différentes. Je veux dire, dans le ring, il est Une 100 brute. fois meilleur que, oui, 100 fois meilleur que en training. Je veux dire, il va pour se battre. Le gars, c'est un batailleur de la Ligue de la crosse en Ontario. Puis c'était le combattant qui était le plus dispendieux de la Ligue de la crosse parce qu'il est le plus connu, il est le plus populaire. Il se battait dans la crosse peut-être 30 à 40 fois par saison, un peu comme Bossé au niveau du hockey. C'est le même, c'est le Bossé de la crosse au niveau, OK. c'est ça, au niveau de la crosse, c'est le Bossé. Puis ce gars-là va énormément de billets. C'est un gars qui est très très très populaire au niveau de la Kwassassiné, Six Nations, dans les réserves là-bas. Il est connu. Dans toutes les réserves au Québec, il est connu, ce gars-là. Honnêtement, je savais même. Je sais qu'au Canada anglais, ils affectionnent beaucoup plus la crosse qu'au Québec, mais je savais pas qu'il y avait également des combats comme un peu dans la ligne C'est ça, nord-américaine. les gars combattent, ils sont en souliers, ils n'ont pas de gants, ils n'ont pas de casque, comme un combat de rue, un coup de poing. Ils ont le droit de se lamer à terre aussi. J'ai vu des combats de Daylon, puis j'aimerais pas être le gars qui est de l'autre côté, là. Le gars, il s'est battu. Le gars, il se battait 30 fois par année à la crosse. Puis, comme ça, là, fait que pour lui, se battre en combat ultime, c'est une blague. Il y a zéro stress, il n'est pas nerveux. Là. Son premier combat à TKO contre Steve Alexopoulos, Taylor s'est réchauffé, il est en train de lire le magazine de souvenirs du TKO avec les cartes, la carte et tout. Il regardait ça comme ça, puis là, la commission a dit: Ah, Taylor, c'est à toi. Il dit: Ah, ok, je m'en viens. Ça, il y a zéro stress. Pour lui, c'est juste pour. C'est naturel. Toi, Stéphane, quand tu vois un combat au hockey, est-ce que tu vois certaines choses que tu dis que le gars devrait changer ou c'est complètement un monde différent que tu comprends pas? Ah, c'est complètement différent. Je veux dire, moi, j'ai moi-même mis les gars avec un joueur d'hockey qui jouait dans la ligue de semi-professionnel. Je me souviens plus de son nom. Il entraînait Tristan un petit peu. Son nom, c'est un peu sur les forums au début de la discussion. J'ai mis les gars avec, puis je veux dire, je le brassais énormément, même s'il y avait 20, 20, 30 livres plus que moi. Je le brassais. C'est complètement une autre game. C'est complètement différent. Ouais, sur patin, c'est un autre monde, là. Mais ça, sur patin, c'est un autre monde, les chandails et tout. Puis, je veux dire, c'est pour ça que Steve Bossé a fait la transition, puis il l'a fait la transition parfaitement. Puis Dalen Logan a pris de l'affaire aussi, il l'a fait lui aussi. L'affaire de Dalen, c'est Dalen, malgré qu'il jouait à la crosse, il faisait du jujitsu, il s'entraînait, mais il combattait pas, puis c'est nous qui l'a mis à faire combattre. Puis il a lâché la crosse, puis il fait juste de l'MMA, tout comme Steve Bossé a fait. Puis, je veux dire, moi, je respecte les personnes qui viennent de ces sports-là aussi, mais je respecte ceux qui viennent de ces sports-là, puis qui veulent faire la transition, puis qui veulent s'entraîner pour, pas qu'ils viennent en disant: moi, je vais battre tout le monde parce que je fais ça, là. Je veux dire, Oui. regardez un exemple à Fight Quest, au dernier Fight Quest 11, j'avais 10, j'avais Martin Tremble qui était sur ma carte. Martin Tremble était batailleur de la Ligue semi-professionnelle du Québec. J'ai-tu fait une grosse publicité, moi, comme quoi j'avais Martin Tremble sur ma carte, c'était un gars du hockey? Non. Je suis pas servi de ça. Pourquoi? Le Donc. gars, il veut apprendre, il veut essayer, puis il veut Il encore a se battre. perdu, je pense, hein, d'ailleurs. Il a perdu, mais il a vu c'était quoi. Il a vu c'était quoi, puis il est venu me remercier après d'avoir donné un combat. Puis il a dit merci, puis merci beaucoup, puis il dit: là, je sais quoi faire. Puis le gars, il a du potentiel. Le gars, il a pas peur, puis il a pas peur de garrocher les coups. Tu lui mets des bons entraîneurs qui vont te prendre soin de lui, puis il peut venir aussi bon n'importe qui. Je veux dire, le gars, il a ça dans lui. C'est un fighter, c'est pas un bibliothécaire qui essaie de devenir combattant. C'est un gars qui s'est battu tout le temps, puis je veux dire, ils ont ça dans eux autres. Moi, je respecte les personnes qui veulent faire les transitions et qui veulent aller par étapes. Pas moi, un gars de la Ligue semi-professionnelle du hockey, qui arrive dans un show, on va dire un autre show, peu importe, au Québec, puis en finale, puis c'est le gros nom, puis ci, puis ça, puis ça. Oui. Ben, je crois Comment? savoir de qui tu parles, Stéphane, là, Exactement. assez facilement. Mais c'est vrai que ben, ceux qui veulent vraiment faire du MMA, oui, c'est sûr qu'ils ont un passé dans, bon, peut-être, bon, dans la ligne nord-américaine, c'est ce qui est le plus Ce que connu je veux dire, ici. je suis pas un fan de Jacques Dubé, là, au niveau de Québec, là. OK, ouais, c'est ça. Jacques Dubé, il est juste là pour donner un show, puis vendre des billets, puis je veux dire, le gars doit pas s'entraîner bien bien à part à frapper des pattes puis des sacs, là. Je sais que le gars, il est bon debout. Je l'ai déjà vu en boxe. Il est très bon de boxe, il est très bon debout. Mais le gars est plus là pour vendre des billets, pour faire un show. Je veux dire, il y a Sébastien Cyr, mais Sébastien Cyr s'entraîne vraiment. On a parlé de ses entraîneurs, tout ça, il s'entraîne beaucoup. Il veut aspirer, puis c'est sûr qu'ils ont mis beaucoup de publicité sur lui. Ils s'en servent un peu beaucoup de son image. Mais moi, mon but, c'est pas me servir de l'image de ces gars-là. Parce qu'après ça, on va dire, je change l'image de ces gars-là, ici, puis ça, arrivé au show, il livre pas la marchandise. Mon show va avoir l'air stupide. Puis Ouais, ben. il va avoir l'air stupide lui aussi. Puis à mon gala, fait quoi? Personne ne savait c'était qui Martin Tremblay. Personne qui s'est mis avec sur la semi-professionnelle de hockey, qui est un batailleur. Les gars comme Steve Bossé qui étaient là, ils savaient. Les gars comme Joey Benoit, ces gars-là, ils savaient que c'était qui. Mais le 80% du monde qui était là, ils ne savaient pas. C'est-à-dire, moi, je suis là pour aider les gars. Il veut faire la transition, il veut essayer de faire dans ce sport-là, mais qu'il la fasse comme tout le monde, qu'il la fasse comme monsieur, madame, tout le monde, monsieur tout le monde, c'est-à-dire qu'il s'entraîne dans la gym. Et si on prend l'exemple de Strike Force qui va amener Herschel Walker, moi personnellement, ça me dérange pas tellement que ça parce que Herschel Walker, la première chose que j'aime bien, c'est qu'il va donner tout son argent à la charité. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi, Ah, ça, c'est qu'un le gars gars de Toughman, ça? Pas Toughman, le gars de l'homme le plus fort, c'est ça? Non, non, c'est Non, c'est l'ancien joueur de l'ancien de la la NFL. NFL. Ah, je vois la NFL, ok, parce que je sais qu'il y a le joueur aussi, le gars de l'homme fort, là, qui va Ah faire. ouais, mais pas Janowski, le Ouais, Polonais. c'est ça, là, comme ça. Mais le gars de la NFL, non, je dis pas. Moi, les gars de la NFL, c'est sûr qu'il va avoir une grosse publicité parce que c'est un joueur de la NFL. T'sais, on sait tous la NFL. C'est un des sports les plus populaires, le football aux États-Unis, c'est gros comme le Canadien ici à Montréal, là, même plus. Puis c'est sûr qu'il va y avoir de la publicité anyway, tu peux pas cacher un gros nom comme ça, tu sais, c'est différent. Puis ces gars-là, il n'a pas besoin de l'argent du Ouais, mais de je trouve Strike ça. Force, tu sais. Je trouve ça bizarre quand même. Je pense que le gars, il n'a pas vraiment de combat amateur, là, à moins que je me trompe. Puis Moi, en plus. lui, je respectais beaucoup, c'est Marcus Jones. Marcus Jones, qui était à Ultimate Fighter, il était très bon. Moi, j'ai trouvé super bon, le gars. Ben, Le gars était il y avait très un bon. sol, mais. Mais il avait un très bon jiu-jitsu, des bons takedowns, une bonne lutte. Moi, je l'ai vu à la finale de TOF. Il a perdu, mais moi, il m'a impressionné. Puis le gars, on sait tout, il n'a pas besoin de l'argent du UFC pour vivre. Il l'a dit lui-même quand il a pris sa retraite. Il dit, j'ai pas besoin de ça, moi. Il fait ça pour essayer pour un nouveau challenge. Ça, je comprends ça, mais il a mis les bouchées, il a mis Oui. le vouloir. Puis si le gars de la NFL qui va le mettre à Strikeforce, tu me dis, ça fait 1 an et demi qu'il fait du jiu-jitsu, de la boxe, il a un background de quelque chose, ça fait longtemps qu'il entraîne. Bye. Je trouve ça bon, mais si c'est un gars comme ça qui arrive, puis que je veux dire, il y a 6 mois de training, puis on le met dans Strikeforce, tu fais un gros tout avec ça. Pas vraiment. Ben, il a 47 ans, il a joué au football, il a déjà participé aux Olympiques en Ouais. bobsleigh, puis il a une ceinture Non, mais noire en taekwondo. tu vois, c'est ça, là, tu sais, je veux dire, il y a un background en arts martiaux, mais c'est pas. C'est pas. Ces gars-là, il a 47 ans, là, il devrait se checker pour sa santé, je pense. Parce que je pense pas qu'il est reine des coutures. Puis, je veux dire, non, je veux dire. Moi, le gars comme Marcus Jones, ça faisait un bon bout qui s'entraînait, qui avait des combats, puis qui a fait des combats Ultimate Fighter. Puis, tu sais, je veux dire, je respecte plus ça qu'un gars qui arrive comme ça pour essayer, puis faire un coup de publicité sur Strike Force, puis donner son argent à des œuvres de charité, puis montrer. Au peuple américain que c'est un bon monsieur, puis tout ça, puis je sais pas, là, peut-être que ça va attirer plus des commanditaires pour lui, j'en ai aucune idée. S'il y a un commanditaire comme Mikey, peut-être qu'il va vendre plus de casquettes, puis il va faire l'argent arrière, je sais pas, là, mais je veux dire, toutes ces choses-là, plus ou moins, c'est comme si tu me dirais, pas Donald Brashear, mais je sais pas, moi, Georges Larac, c'est en lien en MMA, là, parce qu'il veut essayer l'MMA, là, je trouverais ça complètement ridicule, même s'il fait de la boxe amateur, Ouais, ben ouais, c'est pour son surtout intérêt. si ça reçoit plus d'attention que les vrais combattants. Si on revenait justement peut-être à un gars du TriStar qui va se battre bientôt, David Loiseau, on a entendu dire qu'il y aurait un combat. Je sais pas si tu peux nous parler un peu de. Oui, donc je connais pas beaucoup son adversaire, le gars, le Gonzalez ou quelque chose comme ça, là, le Nord-Mexicain. Je le connais pas beaucoup, ce gars-là. En fait, je le connais aucunement. J'ai même pas été faire de recherche. Peut-être si je vais faire des recherches, Ouais, je vais il y a une fiche expliquer de quelque 16 chose. et 13, Fred, tu pourras Non, me mais je. corriger peut-être. Je Ouais, pense que c'est 16 et exactement. 13. Il a affronté quelqu'un du nom intéressant. Mais c'est ça. Il a affronté des gros noms, ça, j'ai vu. Puis je veux dire, David, on sait tout, il a besoin d'être sur la victoire. Si je mets la victoire, il s'entraîne fort, c'est incroyable. Il sait qu'il faut qu'il gagne, David. C'est son gagne-pain, c'est sa job. Puis je veux dire, David, il a une maison, il a une voiture, comme tout le monde. Puis il faut qu'il gagne. Puis je veux dire, s'il veut revenir sur la map, puis peut-être avoir une chance de retourner au UFC ou à Strikeforce, peu importe, il faut qu'il gagne des combats. Il y a des Peu beaux importe vêtements contre à qui. payer aussi. Mais c'est ça, mais peu importe contre qui gagne, faut qu'il gagne. Puis, je veux dire, moi, je suis sûr que ça ne serait pas un combat facile. Le gars, il a peut-être 13 défaites, mais il a beaucoup d'expérience, puis il a beaucoup de combats, puis il a affronté des gros noms, puis le gars, il s'en vient ici avec zéro pas de pression, donc, le gars. Fait que David s'entraîne fort, puis moi, je pense que David, cette année, ça va être une belle année pour David Loiseau. Je pense que David Loiseau va faire une belle année, puis à la fin de l'année, il va signer avec Y a-t-il une quelque grosse chose? organisation. Moi, c'est ce que je pense. Y a-t-il quelque chose que David a changé depuis son dernier combat dans son style, ou est-ce qu'il a juste simplement travaillé plus fort, ou Ben, je veux dire, il travaille plus fort, il entraîne plus fort. Je veux dire, David, tout le monde le sait. Si vous parlez à tout le monde depuis le début de sa carrière, David Loiseau, c'est entre ses deux oreilles. Ouais, c'est pas C'est vrai l'entraînement le mental. problème, hein? C'est vraiment lorsqu'il est dans la cage. David Loiseau, à 100%, avec le mental-là, il peut battre n'importe quel middleweight de sa planète. Puis ça, je suis très amené à couper. David Loiseau, à 100%, avec un gros mental, peut battre presque n'importe qui. Mais David Loiseau, avec un mental affecté, il va faire des combats comme il l'a fait la dernière fois contre Hederman. Je veux dire, mais là, je veux dire, il entraîne beaucoup avec Firas, il entraîne beaucoup avec l'équipe aussi de Jackson, avec tout le monde au TriStar, puis il fait les bonnes choses comme d'habitude, puis je pense que si sont vraiment des oreilles, c'est réglé, puis non, je veux dire, là, il sait, il n'y a pas le choix. Il n'y a aucun choix, David, là. Si je gagne, on peut pas dire qu'il a croisé des chemins, mais il est presque à la croisée des chemins. Faut qu'il gagne. Il peut pas se permettre de perdre son adversaire de MFL. Parce que s'il perd contre l'adversaire qui va avoir MFL, c'est on descend très bas, là. Puis, il n'y a pas le choix. Faut qu'il gagne des combats. Puis, c'est ça. Et toi, quand un gars, là, pas David Loiseau spécialement, n'importe qui viendrait te voir, là, que tu vois qu'il a peut-être un peu de nervosité ou de quoi, comment tu l'aides? Ben, je veux dire, on va dire un David Loiseau ou un peu importe qui. Je vais dire la vérité. Tous les combattants sont un peu nerveux. Moi-même, avant, moi, je suis dans mes combats, je suis nerveux. La semaine du combat, je suis pas nerveux, mais ouais, c'est là que je suis nerveux, mais pas nerveux, mais on dirait un peu excité, un peu comme j'ai hâte que ça arrive et que ça passe. Mais rendu au combat, rendu dans la chambre, rendu que j'ai les gants dans mes mains, j'ai zéro nervosité. Puis rendu dans la cage, j'ai pas de nervosité. Avec un David Loiseau qui a presque 30 combats, je veux dire, il va rien arriver de nouveau dans le combat, là. Tout ce qui peut arriver dans le combat qu'il va faire, il l'a tout vu. Je veux dire, il fait tout arriver. Je veux dire, toutes les situations qu'il peut avoir. Je veux dire, il a combattu le meilleur de la planète. Il n'y a rien qui ça va pas changer. Il va pas, je veux dire, le gars va pas arriver avec un laser dans le combat, là. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau, là. Puis, je comprends quelqu'un qui dans ses premiers combats peut être plus nerveux. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a l'autre qui est plus nerveux que les autres aussi. Ça, c'est certain. Mais je veux dire, avec l'expérience, regardez un gars comme Thierry Kennedy, il a beaucoup de combats. Thierry a zéro nervosité. Je veux dire, c'est à force de combattre que la nervosité s'en va. Puis, je veux dire, moi, j'ai pas peur de le dire. À mon premier combat que j'ai fait, à UCC4 contre Scott Clay, mon premier combat professionnel, j'ai fait des combats amateurs. Puis, c'était différent. Des combats amateurs, j'étais pas nerveux, ben. Mais les premiers combats professionnels que j'ai fait, j'étais nerveux en tabarouette. J'étais vraiment nerveux. J'ai jamais été nerveux de même de ma vie. Après ça, j'ai jamais pu être nerveux dans aucun combat. Non, c'est ça que j'allais te demander. T'as-tu déjà eu un combat qui t'a fait te remettre en question, qu'après ça, t'es revenu à penser ou quoi? Le combat contre Marc Dominic. Quand j'ai perdu contre Marc Dominic, c'est un peu, j'ai été out pendant presque 10 mois ou pas loin d'un an. Puis, ça a été un peu ça, je veux dire. Ça m'a pris, le combat contre Marc Dominic m'a beaucoup touché au niveau mental. Je veux dire, dans ce temps-là, j'avais deux emplois. Je veux dire, je travaillais la semaine, je travaillais la fin de semaine, je m'entraînais. J'étais un peu surchargé, puis il fallait que je m'entraîne avec, comparé à un Mark Comic. Tout ce qu'il faisait, c'était d'aller à l'école à temps partiel, puis de s'entraîner comme un Mongol. Je veux dire, moi j'avais d'autres affaires de ma vie. Je veux dire, je travaillais, je m'entraînais, puis je veux dire, j'arrivais dans le combat, j'ai eu des blessures aussi pendant l'entraînement au coach, je me suis mal entraîné, j'étais pas bien pendant le combat, puis je veux dire, après ce combat-là, ça a pris du temps avant de m'en remettre, puis non, je veux dire, oui, c'est le combat qui m'a remis en question beaucoup, parce que je me disais beaucoup si je peux pas battre Marc Dominic. Pour moi, pas la question de battre Marc Dominic, mais c'est plus la question que ce combat-là, mais je me suis mis beaucoup, beaucoup de pression sur les épaules pendant tout le temps que le combat allait arriver. Puis j'ai pas livré la marchandise ce que le monde croyait. Est-ce que tu pensais avant le combat que c'était un combat que tu devais gagner ou dans ta tête, dans est-ce que tu étais vraiment confiant vers une victoire? Ou... J'étais pas, je veux dire la vérité, quand j'ai arrivé au combat, j'étais pas confiant d'une victoire. Je veux dire, j'ai été mangé la veille, pas la veille, la journée du combat avec Yannick Louf, qui est un des arbitres à faire quoi, c'est un de mes amis. Puis je tremblais, j'avais fret, j'étais malade. Puis je toussais, puis Yannick, il me dit, t'es sûr que t'es correct? Puis j'ai dit, oui, je suis correct, je dis, inquiète-toi pas. Puis je veux dire, j'ai pas eu un bon camp d'entraînement, j'ai eu une blessure au côte, j'ai déchiré un ligament. Fait que je boxais, j'entraînais, je faisais du sparring avec un plastron, je pouvais pas lutter, je pouvais presque pas faire de jiu-jitsu. Je faisais pas grand chose, mais je voulais jamais pas annuler le combat parce que TKO avait mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de publicité dans ce combat-là. Puis depuis les années, comme enfin ça arrivait, moi, contre Marc Dominic. Puis ça m'a mis beaucoup de pression, puis je voulais pas annuler le combat parce que c'était la finale aussi. Puis on attendait tout ça depuis longtemps, puis je me voyais pas annuler. J'ai jamais annulé un combat, à part une grosse maladie ou quelque chose. Puis non, j'avais trop de pression sur moi, c'est juste ça. Puis je me devais de donner une bonne performance, de gagner ou de faire une bonne performance. Puis c'est la raison pourquoi, à la fin du round, quand Dominic m'a fait un knockdown, puis il était sur moi, il m'a pas knocké. Si vous regardez bien le combat, c'est moi qui ai abandonné, c'est moi qui ai tapé. La seule fois que j'ai tapé de ma vie, c'est contre Banger. Puis parce que j'ai passé 2 minutes à mon épaule, mais j'ai tapé contre Marc Dominic. Puis je me suis relevé, j'ai été dans le coin, puis j'ai dit à Ferras, fuck off, excusez-moi le mot, mais j'étais pas dedans, puis c'était ça. Puis je l'avais dit à Ferras avant le combat, je disais, moi, je me sens pas bien, puis je fonce, puis il arrivera ce qui arrivera. Là. Je m'en foutais un peu du combat, j'avais eu trop de pression dans ce combat-là. Est-ce que c'est un combat que t'aimerais... Ben là, c'est évidemment... C'est le combat que je tu regrettes. Regarde, quand j'ai battu Greg Compton le combat d'après, j'ai callé Mark Harmonic sur le ring. Je l'ai callé même avant le combat dans mon interview. Mon but était juste d'avoir au moins d'avoir un rematch pour montrer au monde que je pouvais donner un meilleur combat que ce que j'avais fait au premier combat, c'est certain. Puis Mark Harmonic, c'est sûr, présentement, il est rendu une grosse star aux États-Unis. Et, je veux dire, je suis sûr que dans ce temps-là, avec un bon entraînement et tout, je suis sûr que j'aurais pu donner un très bon combat à Mark Harmonic. C'est juste, je veux dire, ça s'est pas passé comme je voulais. Puis Mark Harmonic n'était pas le gars que j'étais supposé à affronter. Puis, je veux dire, ça aussi, c'est d'autres choses. Je veux dire, c'est tout ça un peu que j'ai été remis en question. Je veux dire, j'étais supposé affronter Shane Rice. Puis, je veux dire, ça a changé. TKO a tout changé pour me faire affronter Mark Harmonic. Puis, je veux dire, c'est... Et après ta défaite face à Harmonic, est-ce que le fait de l'avoir dans la tête, là, tu disais que tu voulais l'affronter encore, est-ce que ça fait peut-être que tu négliges d'autres gars ou que tu regardes moins le gars que tu vas affronter puis que tu regardes à l'avant? Ou... Pas vraiment, parce que moi, je voulais battre les gros gars. J'ai vu que Greg Compton venait de battre David Parizeau puis il était invaincu. Fait que j'ai dit à TKO, j'ai dit donnez-moi Compton, il était invaincu, j'ai dit moi je vais donner sa première défaite. Puis je voulais juste des noms comme ça, des gars qui pouvaient m'aider. Après ça, j'ai affronté, comme tout le monde a vu, Damasio Page. Damasio Page c'était un remplacement, je veux dire, c'était Thierry Kenville qui a supposé l'affronter, j'ai supposé affronter quelqu'un d'autre, j'ai remplacé Thierry à 3 semaines de la vie, Thierry qui a eu un appendicite. Fait que je me battais contre un gars que je connaissais pas, que j'avais jamais vu. Puis c'était un autre combat que j'étais plus ou moins à l'aise avec. Puis, je veux dire, ça s'est mal passé. Puis, je veux dire, non, je veux dire, je regardais pas nécessairement. Puis, je regardais ça de mes adversaires, mais c'est sûr que moi, quand même, je restais dans ma ligne. C'était mon but premier. Je veux dire, il avait la ceinture. Je trouve que moi, c'est la ceinture que je voulais. Puis c'est la raison. Et aujourd'hui, si tu le rencontres, est-ce que tu y mentionnes ça, que tu aurais voulu leur battre? Ah, Marc, il sait, mais moi, Marc, toutes les fois que je rencontre, j'y parle beaucoup. J'y parle sur Internet aussi, on se parle. Moi, c'est un gars que je respecte énormément, Marc Harmonic. Je le respecte. C'est un des gars que je respecte le plus. Je veux dire, après le combat contre moi, il a été voir mon frère. Il a dit, je m'excuse, je vous aime beaucoup, puis tout. Mais je veux dire, c'est un combat qui est arrivé, puis c'est tout. Je veux dire, il y a un énorme respect. Puis, c'est un très bon gars, Marc Harmonic. C'est un modèle. Au niveau de la personne, c'est un peu comme Georges, c'est un modèle. Puis non, on est content de l'avoir eu au Québec pendant longtemps, ça c'est sûr. Mais tu sais, c'est la raison un peu. J'ai toujours voulu un peu à TKO. Je n'étais pas supposé affronter Mark Harmonic. Mark Harmonic a perdu sa ceinture contre Shane Rice en 1 minute à Victoriaville. Puis moi, j'avais battu la Liberté. Puis j'étais sur une lancée de 5 victoires. J'étais supposé affronter Shane Rice. Shane Rice, 2 jours d'événement, a pullé out. J'ai affronté Sébastien Agassi, Philippe Agassi qui a pris le remplacement. Puis j'étais supposé réaffronter Shane Rice. C'est Mark Harmonic qui a eu sa shot à Shane Rice, son revanche. Puis il a gagné, puis il était obligé d'affronter Harmonic. Mais au bout de la ligne, j'étais supposé affronter Shane Rice avant Harmonic. C'est un peu ça aussi que j'avais pas beaucoup aimé dans le temps. Déjà battu Shane Rice aussi. J'avais déjà battu dans le passé. Maintenant, ben, je te demande presque à chaque fois qu'on se parle, Stéphane, tu vas peut-être être tanné, mais est-ce qu'on peut peut-être penser que tu pourrais faire un retour cette année ou à la fin de l'année ou peut-être début 2011 ou c'est complètement terminé? Waouh, on peut te dire encore, c'est toujours dans un. On est souvent dans le congélateur, je ne sais pas. Okay. Parce que là, présentement, je me promène très gros, je pèse 180 livres. Puis, il faut que je m'en remette dans l'entraînement bientôt. Je viens de recommencer à boxer un petit peu, moi, là, pour faire du conditionnement. J'ai juste hâte de recommencer à faire du jiu-jitsu, puis de la lutte, puis tout ça. Puis, rouler avec les gars, avec Thierry, avec tout le monde, avec Ivan, puis tout. Puis, je veux dire, après ça, on verra, mais c'est toujours incertain. Je veux dire, on veut dire qu'il n'y a pas un non, mais il n'y a pas un oui non plus. Tu sais. Ouais. C'est sûr que Stéphane Vigneault, comme tel, il veut se battre, puis il a fait ça, puis il veut se battre, puis ça y manque. Mais Stéphane Vigneault, l'autre personne qui réfléchit, il se dit, je me fais encore une bad luck à mon œil, je peux le perdre. Ben, on a parlé justement à Alain Bonamy, nous, il y a peut-être un mois, Lui aussi, il a vu la même chose. Hein. Ouais, c'est ça, plusieurs fois. Puis là, il a perdu, je pense, un bon pourcentage de la vue. Puis c'est sûr que une carrière sportive, c'est assez court. Hein, puis c'est une charge après ça que tu vis tout le reste de ta vie. J'en ai perdu pas mal, moi aussi, de mon œil. Mon œil est à moins 10, quelque chose comme ça. Puis avant, il était à moins 4. C'est de beaucoup quand même. J'enlève mon verre de contact. Je ne vois pas bien mon œil gauche. À chaque fois qu'on se parle aussi, il y a comme des nouveaux arrivés au Tristar. La première fois, c'était Jérôme Le Banner. Bon, ça va être difficile de battre ça, mais il y a quand même eu par la suite, je pense, entre-temps, ou peut-être même un peu avant, il y a eu Derek Gauthier, Steve Bossé aussi. Oui, Steve Bossé qui vient d'arriver avec nous. Puis, est-ce qu'il y en a un autre qui va suivre peut-être bientôt? Dans ce point de vue-là, j'en ai aucune idée. Je peux vous dire qu'après là, il y a des gros gars au Tristar pour aider Jorge. Pour son entraînement, tout ça. Je dirais Marquardt est là présentement, Rashad Evan est là, Greg Jackson, là, il y a des bons. L'équipe de Jackson est là présentement pour entraîner avec George et avec les gars là-bas. Mais si on entend de grosses personnes que Ferrez va s'occuper présentement, je serais un peu sur le note. Il y a Steve Bossé qui a fait le move dernièrement, là, une couple de semaines, puis Steve est heureux, puis il capote, puis il est tellement content d'être avec une grosse équipe, avec tout le monde. Et maintenant, pour lui, c'est comme un renouveau dans sa carrière. Puis, je suis content pour Steve. J'ai un très bon ami à Steve. Je suis un des plus gros fans de Steve Bossé. Puis, c'est une bonne personne. Puis, je suis content pour lui. Puis, j'espère que ça va aller pour lui. Puis, concernant Georges Saint-Pierre, qui prépare déjà son combat face à Don Hardy, si je comprends bien, est-ce qu'on. Parce qu'il y a un Français qui a battu à deux reprises Don Hardy, qui s'appelle David Baron. David Baron, oui. Est-ce que c'est le genre de personne que, entre francophones, je ne sais pas si on peut s'entraider comme ça, est-ce que Georges ou son équipe peut contacter David Baron puis demander comment ça s'est passé, les combats? Moi, je veux dire, les combats, David Baron, on les voit sur le net. Je veux dire, David Baron, je connais bien David Baron en termes de combattant. Okay. Très bon combattant. Je sais, il a battu Takarami Gomi aussi, ou non, pas Gomi, il a battu Max Sakurai. Je veux dire, oui. C'est un bon combattant, mais on s'entend que Dan Hardy, présentement, puis Dan Hardy, quand il battait en Angleterre, c'est deux Dan Hardy. C'est pas la même personne du tout. Maintenant, c'est Dan Hardy plus gros. C'est Dan Hardy plus puissant, plus fort, plus d'expérience encore. Puis c'est comme moi, je pense, c'est complètement différent. J'ai vu des combats de Dan Hardy dans le passé. Je veux dire, oui, ça reste un striker, mais il est plus gros maintenant, il est plus fort, puis il est plus puissant. Mais évidemment, une fois amené au sol... Bon, c'est sûr qu'une fois amené au sol, il va être moins puissant, je pense. Ouais, ben, j'ose pas le dire, mais Georges, je pense qu'à Dan Hardy, c'est pas son client. C'est un client dangereux, très dangereux à cause de ses frappes debout. Mais je pense que ben, avec les derniers adversaires qu'il a affrontés, Dan Hardy, c'est peut-être le moins complet. Mais, évidemment, je connais peut-être pas ça, c'est mon opinion. T'as raison, je suis vraiment... J'appuie ton opinion, mais tu sais, j'ai toujours le punch chance. Toujours la chance d'un coup de poing en partant. Je veux dire, comment le fou que ça s'est vu. Puis, je serais très étonné. Je veux dire, j'aurais la langue à terre si ça arriverait, là. J'en reviendrais pas moi-même. Mais très peu la chance que ça arrive. Mais je veux dire, il y a la force de frappe et la puissance. On sait jamais ce qui peut arriver. C'est pas quelqu'un à prendre à la légère. Mais moi, je pense que Georges n'a pas peur de boxer avec. Il n'a pas peur de se battre peu importe où le combat. Puis Georges a une condition physique incroyable. Puis c'est ce qui fait beaucoup la différence aussi dans les combats. Est-ce que tu penses qu'on va le voir? Je vais te laisser la prochaine question, Fred, là, je m'excuse. Mais est-ce que tu conseillerais à Georges de participer ou de tenter une participation aux Olympiques en lutte? Moi, j'ai pas parlé à Georges par rapport à ça. J'ai pas parlé à personne par rapport à ça. Je fais ma propre opinion. Ma propre opinion, moi, que je pense, c'est que si Georges veut participer aux Olympiques, ça, faut qu'il fasse tous les tournois. Puis moi, je pense que ce qui va arriver, c'est que la UFC va lui dire vas-y, Georges, vas-y. Puis pendant l'année que tu vas être parti, ben, la division va bouger un peu. Moi, si je serais Dana White, c'est ce que je ferais. Ouais, parce que si on s'entend que si Georges bat Dan Hardy, je veux dire, qui reste, là? Il y a plus de gros gars, je veux dire. Il reste les gros gars, il y a chose. Martin Cameron vient de gagner, mais il faudrait qu'il y ait encore beaucoup de combats. Les gars comme Mike Sway, il faut gagner des combats. Kochek, je pense pas que Kochek mérite un combat de championnat présentement. Il faut qu'il gagne encore d'autres combats. Puis je veux dire, vous savez, au bout de la ligne, ce ce qui a tout mélangé le UFC, c'est quand le UFC a emmené Carlos Condit contre Martin Kamen, eux, leur but, c'était que Condit batte Kamen, puis qu'il fasse Georges contre Condit, puis il a perdu. Fait que là, ça a changé beaucoup d'autres affaires encore. Puis je pense que Thiago Alves va revenir fort avec, et ils vont pas lui donner un autre combat de championnat. Fait que je pense que ce que Georges, moi, je devrais faire, si je serais Dana White de l'UFC, je dirais Georges, va essayer de faire les Olympiques, c'est une étape importante de ta vie, de ta carrière, de combat pis tout. Puis c'est, je veux dire, on s'entend qu'aller aux Olympiques, c'est pas n'importe qui va là, puis c'est une chance d'une vie. Puis je veux dire, je dirais, bah, ta ceinture, on va juste la mettre en dehors. Parce qu'il y aura pas de petites vacances, tu restes champion, mais au moins la division va bouger un peu. Puis moi, c'est ça que je ferais, moi, si je serais UFC. Ouais. Moi, je voudrais revenir sur Dan Hardy deux secondes. Dan Hardy, moi, j'ai l'impression que c'est un gars qui aime ça rentrer dans la tête de ses adversaires. Puis je voudrais savoir, est-ce que Georges St-Pierre, comme il se dit, est-ce que vous parlez de ça entre vous deux autres, de se dire faut pas laisser Dan Hardy nous rentrer dans la tête parce qu'il va dire genre que Georges c'est pas un vrai combattant ou de quoi de même? On n'a pas besoin de dire ça à Georges parce que Georges a un mental très très solide. Puis ça, ces enfants-là le touchent même pas. Ça le touche. Georges dit toujours, Georges dit toujours à lui-même, on va régler son combat. On va voir, ça veut dire il va voir. En même temps, est-ce que c'est un jeu des fois? Des fois, j'ai l'impression que les gars, c'est un jeu. Dan Hardy, il veut vendre le combat. Vendre le combat. Je veux dire, le combat contre George, peu importe qui qu'il affronte, c'est vendeur. Hein, mais je veux dire, Dan Hardy, il veut hyper le combat, il veut mettre de l'animosité. C'est ça qu'il veut. Lui, il veut Dan Hardy, ce qu'il veut, là, c'est que les gars, là, ça s'y garde Dan Hardy. Ouais. Tu penses-tu peut-être qu'aussi il veut que Georges sorte trop agressif, peut-être en faisant ça? Ça serait son but. Je pense pas que ça marche parce que justement Georges St-Pierre est trop fort mentalement. Georges, il va respecter son plan de match. Si vous regardez tous ces combats de Georges, Georges respecte toujours ses plans de match. Toujours, toujours, peu importe qui affronte. Puis il en a affronté des bons. Puis non, c'est juste. Bernardi, il fait juste ça pour créer de l'animosité, créer un combat un peu comme Jean-Pascal le fait à la boxe, je veux dire, puis c'est sûrement une très bonne personne, Dan Hardy, mais je veux dire, c'est son style, c'est comme ça, c'est comme lui, là. Prenez Jean-Pascal à la boxe au Québec, il parle beaucoup, mais Jean-Pascal, c'est une très bonne personne, très gentil, très articulé, il parle très bien quand il fait des entrevues, puis tout, puis je veux dire, il fait ça pour créer de l'animosité, c'est notre principe avec Dan Hardy. C'est un jeu qui peut faire mal, hein, on peut se souvenir de Michael Bisping, Mais Michael Bisping, oui, mais c'est... Ouais, il le fait pas avec style, Bisping, il le fait avec arrogance. Ouais, Bisping, il fait avec arrogance, puis déjà dans le show de Ultimate Fighter, il était très arrogant, puis il méritait ça. Il méritait un coup de plus qu'il y a eu. Ouais, la descente du coude, c'était spectaculaire, là. On va dire que c'était sur la limite du... pas correct. Macho Man en était fier. On va dire, ça aurait été Randy Couture, on aurait tout dit que Kyo Murphy, que c'est pas correct, mais vu que c'était Michael Bisping, ouais, pas de trouble. Hey, il y a le clan de BG Penn qui va tout le temps d'allégations sur Georges St-Pierre. Ouais, qu'est-ce que j'ai tu penses de ça, Stéphane? Parce que, Stéphane, je dois dire que ça a soulevé une polémique sur le site de Fred, MMANouvelle.com, puis tout le monde a l'impression que si tu veux faire des combats de MMA professionnel dans une grosse organisation, faut absolument que tu sois sous des produits dopants. Moi, je pense que ce sport-là, moi, je pense que ça nécessite pas ça. Puis moi, honnêtement, je suis anti-drogue, puis je serais il faut pas se cacher. C'est sûr, il y a des combattants qui en utilisent ou qui en utilisent. Il y en a qui se font avoir toujours. Ça, on sait tout, tu sais, je veux dire, comme dans chaque sport. Mais Rudy Valentino, là, c'est un imbécile. Puis, il sort juste des portes de sortie. On dirait que c'est des portes de sortie qu'ils essaient de trouver pour avoir un autre combat contre George, des choses comme ça. Mais on s'entend tout que George va, 10 fois sur 10, George va battre BJ Penn. Puis moi, j'aimerais voir BJ Penn contre d'autres gars à 170. Puis BJ Penn, d'après moi, il fera pas le move de se battre contre d'autres personnes à 170, contre des gros gars, on va dire Josh Koscheck, Thiago Alves, d'autres gros gars, parce qu'il va se dire c'est trop dangereux. Si j'ai à me battre à 170, je vais me battre contre George. Tu comprends, j'ai rien à perdre. Il m'a déjà battu deux fois. C'est le champion. C'est un des meilleurs livres pour livre. Je parle contre George une troisième fois. J'ai rien vraiment à perdre. Mais on va dire un BJ Penn parle contre Thiago Alves, contre Josh Koscheck ou quelque chose comme ça. C'est pas très bon à sa fiche. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Ouais, le seul combat à BJ Penn qui est intéressant, puis qui est au niveau monétaire, pas juste monétaire, parce que je pense pas que BJ se bat pour l'argent, parce qu'il vient d'une famille, c'est quand même très riche. Mais je veux dire, le seul combat qui est vraiment, comment dire ça, intéressant, puis qui est pour lui, c'est d'affronter Georges. Il n'y a pas d'autres combattants qui est vraiment intéressant pour lui à 170. C'est la fois qui est intéressant pour lui, c'est la ceinture, puis c'est Georges. Puis, je veux dire, Rudy Valentino, il était plein, je veux dire, il sort plein d'arguments stupides, là, des affaires de drogue, un peu de drogue de stéroïdes, ensuite c'est la vaseline, ensuite c'est ça, mais il ne faut pas l'oublier, là. C'est pas la vaseline qui avait mis le BJ Spence sur le dos, là. Puis, c'est pas la vaseline qui l'a frappé non plus, là. Je veux dire, des affaires stupides comme ça, je trouve ça un peu ridicule, puis non, je veux dire, c'est pas bon parce que Rudy Valentino va perdre sa crédibilité avec. Puis BJ Penn va encore perdre d'autres fans avec ça. Moi, j'étais un très grand fan de BJ Penn. Je trouve ça ridicule un peu. Puis tu sais, je suis déçu un peu de l'équipe de BJ Penn. Avez-vous déjà entendu Ferraz Zahabi dire des propos à propos de certains fighters dans les entrevues? Non. Je veux dire, c'est le même principe pour rester professionnel. Puis je veux dire, il y a des choses que tu peux dire en entrevue, il y a des choses que tu peux pas dire aussi. Fred, tu semblais avoir une question? Non, c'est beau. J'allais juste commenter, mais c'est beau. OK, ben, garde ça pour toi, mon garçon. Parce que Fred aussi, c'est un gros fan. C'est sûr, faut s'entendre un peu que Brock Lesnar. Il y a des gars comme ça, c'est sûr que c'est un peu, tu sais, un questionnement, mais. Mais je veux dire, les gars font des tests, tout le monde font des tests, ils font des tests avant le combat, ils font des tests après le combat. Est-ce que je peux te dire, moi, ma plus grande peur dans tout ça? Moi, je pense que, regarde, je vais être honnête, moi, je pense qu'à peu près tous les athlètes dans tous les sports consomment des suppléments qui, pour souvent, dans certains cas, vont devenir illégales à un certain moment. Alors, je pense que c'est pas une question de stéroïdes, je pense que c'est plus une question où ce que... Le monde, des fois, vont peut-être prendre les choses sans vraiment savoir les dangers. Puis des fois, il n'y en a pas. D'autres fois, il y en a, mais ils ne savent pas. C'est plus ça, moi, je dis. Fred, là, tu patines. Toi, est-ce que tu penses que les combattants prennent des produits dopants? J'ai dit tous les sportifs de tous les sports prennent des suppléments. J'ai pas dit... Moi, je suis certain à 100%. C'est sûr qu'il y en a un sport de MMA qui prend des produits dopants. Il y en a dans les mémoires, il y en a dans la boxe, il y en a dans le hockey, il y en a même sûrement au golf. Enfin, je veux dire, c'est normal. Mais je veux dire, t'es un entraîneur d'un des meilleurs athlètes au monde qui s'appelle BJ Penn. T'as des choses que tu peux dire, puis t'as des choses que tu peux pas dire. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que tu peux pas dire. Tu peux pas dire t'attaquer à la réputation d'un adversaire, d'un combattant comme Georges Saint-Pierre. Peu importe le combattant, tu peux t'attaquer à la réputation d'un combattant, je veux dire. Moi, je trouve que c'est des coups bas. Puis je respecte pas ça. Puis j'ai pas peur de dire ce que vous dites Valentino, c'est un imbécile. Puis j'espère que si vous l'interviewez un jour, vous allez dire ce que j'ai dit ça. Puis je suis bien content. Oh, inquiète-toi pas. J'ai pas peur, moi, non plus des mots. Mais c'est ça, je veux dire. Je trouve ça stupide. Je veux dire, même un peu comme quand BJ Penn parlait beaucoup contre Ferraz, un peu dans le show là de quand il a été le combat là, puis je veux dire, même là, tu vois, moi des commentaires déplacés, puis tu sais, c'est des affaires que je trouve que ça a pas J'ai été à Las Vegas pour l'UFC 94, puis je vais te dire, ça a été le meilleur. J'ai été aussi pour l'UFC 100. Puis l'UFC 94, là, c'est simplement le plus grand événement sportif que j'ai jamais été, par l'ambiance. Puis il m'a dit, avant de partir à Vegas, là, je savais que Georges Saint-Pierre allait gagner, simplement parce que je voyais que BJ Penn, là, il essayait de rentrer dans la tête, mais dans la dernière émission Prime Time, là, tu le vois que BJ Penn, là, il est comme découragé. Puis il me semble que Georges Saint-Pierre, lui, mentalement, l'avait déjà battu avant le combat. Tu sais, c'est pas... C'est pas dur. BJ, c'est pas... Il pouvait plus se battre. C'est vraiment ça. Moi, je pense 155, BJ, phénomène, c'est un combattant incroyable. Mais à 170, c'est un combat intéressant et jauge. Ça, je sais. Puis, je veux c'est comme je veux revenir, c'est des commentaires qui se font dans le sport, mais là, qui se font pas. Puis, c'est un peu mal. Et avant de se quitter, Stéphane, je me ferai une dernière question peut-être ou tu as d'autres questions? Ben, j'étais juste intéressé à savoir peut-être avant l'UFC 94, mentalement, Georges St-Pierre, est-ce qu'il était confiant à comparer d'autres combats? Georges, dans sa tête, il arrêtait BJ Penn avant 5 rounds. C'est sûr qu'il arrêtait le combat, peu importe soit soumission, TKO ou KO. C'était clair dans sa tête, c'était clair dans la tête de tout le monde. Puis il était confiant à 100% comme à tous ses combats. Il s'entraîne fort pour. Je veux dire, il s'entraîne. C'est incroyable comment Georges s'entraîne. Puis, plus même qu'on vit Japan, on savait tout que BJ avait aucune chance. Tout gars qui va monter de poids à 155, voilà, 70, puis affronter Georges, c'est vraiment une joke. Regardez Matt Serra au deuxième combat, là. Je veux dire, Georges a pas fait d'erreur, c'est battu comme normal. Puis, Serra était même pas un combat difficile pour lui. Puis BJ a été un des combats les plus faciles que Georges a eu, moi, je pense, dans les derniers combats. Ah, tout à fait. Ça n'a pas fait grand-chose. C'était un des combats les plus faciles que Georges a eu. Ça a été donner mon chèque, puis bye-bye. C'était ça. Ouais, facile à suivre. Effectivement, ça, face à Thiago Alves, c'était un combat beaucoup plus physique quand même. C'était assez. Thiago Alves, c'est un combattant que j'adore aussi, très dangereux. Puis. Alvarez était plus dangereux que BJ Penn au niveau des. Si vous regardez pour Georges, Alvarez est plus dangereux. Je disais, oui, BJ est super bon debout, blablabla, du jiu-jitsu. Mais là, tu parles d'un gars de 155 contre un gars de 170 qui pesait 190 peut-être dans la cage. Mais Alvarez, c'est un gars gros, le même grosseur que Georges, avec autant d'aptitude que BJ Penn au niveau debout, puis au niveau, peut-être pas au niveau du sol, mais au niveau debout. Mais le fait qu'il est plus gros, que c'est un vrai 170, il est plus dangereux. Moi, c'est ce que je pense. Et il y a un gros combat pour les nostalgiques comme moi, là. Il y a un combat où il va avoir 90 ans qui va monter dans l'octogone, si on additionne les âges des deux combattants, entre Randy Couture puis Mark Coleman. Toi, est-ce que moi, je sais pas. Moi, on dirait que je suis le seul, mais moi, il m'intéresse beaucoup, ce combat-là. Pour toi, Stéphane? Moi, là, je pense que le résultat, ça va être Coleman qui va garder puis Couture qui va TKO. Ça va être ça, une soumission. Je pense pas que ça va durer plus que peut-être deux rounds. C'est ça que je crois. Là. Je veux dire, c'est un combat pour que l'UFC, c'est un combat vendeur quand même. Je veux dire. Puis, je pense que Couture va gagner. Couture a un contrat UFC. Je pense qu'il va essayer de finir le plus vite possible, on dirait. Puis, je sais pas, peut-être que son deuxième divorce a coûté trop cher aussi. Donc, ah ouais. La nouvelle fille qu'on voit avec est très, très appréciable, en tout cas. Ah, je pensais que c'était sa fille, moi. Oh, tu parles? Oh, ça se peut, excuse-moi. Non, c'est une blague, mais je veux dire, non, moi, je pense que Couture va gagner ce combat-là, puis je pense pas qu'il va y avoir trop de misère. Je pense que Coleman va garder out. C'est ça que je pense. Ouais, ben, effectivement, j'ai l'impression que côté condition physique, Randy Couture, c'est presque impeccable. Il y a des bons combats qui s'en viennent. Regardez, Matthews contre Renzo Gracie, moi, ça m'intéresse, ça, là. Oui, puis est-ce que tu y vas d'une prédiction tout de suite? J'adore Renzo. J'aime beaucoup Renzo Gracie. Je l'ai rencontré une fois, deux, trois fois, je vais au UFC, qu'il avait été, tout ça. Il est tellement gentil. Ce gars-là est accueillant, gentil. Je veux dire, c'est une bonne personne. Il est drôle. Matthews, je l'ai rencontré une couple de fois aussi. Mais je veux dire, on connaît Matthews un peu les histoires avec les amis. Là. Mais je veux dire, c'est un combat. J'ai de la misère à caler quelqu'un. J'ai de la misère à dire ce qu'il va gagner. Peut-être que Hughes avec le ground and pound, mais Hughes n'est plus le Matthews qui était anyway. Non, c'est ça. Mais c'est un combat qui va être plus serré qu'on le pense. Je suis même pas capable de dire ce qu'il peut gagner. Je veux dire, Renzo a quand même tout a été dangereux. Il a affronté des bandits, il a affronté BJ Penn, il a affronté Carlos Newton, il a affronté. Sakuraba le battu. Je veux dire, mais ça fait longtemps, mais je veux dire, c'est des gars dans qui sont dangereux, mais je suis pas capable de dire ce qui va gagner, non? Ben oui, je sais pas si tu te souviens de son combat face à Dan Anderson, où il a subi un KO assez bizarre, là. Ouais, avec le genou, un peu, en même temps, avec l'uppercut, là, à terre. Ouais, je me souviens de ça, oui. Mais ça fait un peu des années, là, mais je veux dire, c'est quand même un bon combattant, puis il y a une bonne équipe, puis j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Moi, j'aurais aimé ça voir Matt Serra contre Hughes 2. Mais je pense que c'est là, le premier combat, je sais pas, je veux dire, c'est un combat assez serré. Je vais même savoir ce combat-là encore. Mais est-ce qu'ils ont dit là, contre qui Mathieu va l'affronter? Oui, il va affronter Frank Riggs. Frank Riggs, ça aussi, ça va être un bon combat. Mais Frank Riggs, c'est... c'est le prochain UFC, en fait, en plus. Ah, ça va être un bon combat, ça aussi. Je pense que Frank Riggs va faire un... Frank Riggs va faire un plein de matchs à la Georges Saint-Pierre, hein. Mais ça va être un... Autre bon combat, il y a des bons combats qui s'en viennent. Yeah. Belfort contre Anderson Silva. Justement, Belfort, Anderson Silva, je voulais te demander, y a-t-il quelqu'un du TriStar ou de l'équipe de Greg Jackson qui va aller combattre à Abu Dhabi? Pour l'instant, la carte n'est pas annoncée complètement, fait que j'ai aucune idée. Vous aurez, on sait tout que Pat Côté, mais Pat Côté, il vient des fois, il venait des fois mettre les gants avec nous. Là. Mais je sais que Pat Côté va combattre à Montréal et Jonathan Goulet va combattre à Montréal. Et Denis Kang, les agents libres, je veux dire, je pense que Denis, je suis pas sûr, mais je pense que Denis, on parle beaucoup de Strike Force, quelque chose comme ça, là, peut-être le Japon, j'ai aucune idée, là. Mais je veux dire, les autres gars, à part Goulet, puis pas de côté, je connais d'ici qu'ils vont combattre à l'UFC Montréal, le reste de TriStar pour l'UFC, on n'a pas encore de nom, mais tu sais, je pense que l'UFC font l'événement un peu avec le Sheikh Taoun, là-bas, le prince, puis qui faisait à Abu Dhabi. Puis, je veux dire, c'est pas pour rien que Matthews et Rendo, c'est sur ces cartes-là. C'est des gars qui sont connus là-bas, qui sont déjà combattus là-bas. J'ai déjà eu un gars-là là-bas. Okay. Puis, Matthews avait perdu en finale contre Pelé. Ça fait longtemps. Là. C'était là-bas. C'est des gars qui sont connus là-bas. Rendo avait combattu aussi. Fait que c'est un peu pour ça, je pense, qu'ils sont sur la carte. Puis, non, je sais pas, par exemple, je peux pas vous dire qui d'autre qui pourrait être sur la carte. Mais c'est ça. Je suis sûr que si jamais je reçois une rumeur, je vous le prépare. Hey, ça c'est super gentil. Puis, hey, on se parle, pour finir, on se parle tout le temps un petit bout de John Jones, parce que à chaque fois, nous, il nous éblouit, là. Il est incroyable dans la cage. À l'entraînement, est-ce que il est aussi éblouissant à l'entraînement, John Jones? Ouais, je veux dire, c'est sûr que, oui, c'est sûr. Je l'ai vu une fois. C'était quand même un combattant qui est extrêmement bon. Sa lutte gréco-romaine est incroyable. Puis je veux dire, il est grand, il a un grand reach, une bonne boxe quand même, bon moutail. Il a son style propre à lui un peu. C'est un gars qui a un énorme futur. Ferraz dit qu'il a un énorme futur. Je ne l'ai pas vu ici, ça fait un petit bout. Je veux dire, il n'est pas revenu sur un bout. Il devrait revenir bientôt. Après moi, son prochain combat est séduit, puis après, ils vont sûrement venir entraîner un peu avec nous. Ils font toujours ça, ils viennent une semaine ou deux, ceux qui repartent. Mais, c'est un gars que, moi, quand j'en ai parlé avec Ferraz de John Jones, Ferraz m'a dit, c'est un gars dans ce sens qui pourrait battre Anderson Silva, puis que c'est un gros prospect. M'a te posé une question dure, est-ce qu'il peut battre Rashad Evans en ce moment? Ça, c'est ça dépend lequel Rashad. Si on se parle du Rashad qui va être contre Thiago Alves, le Rashad du troisième round, peut-être. Mais si c'est le Rashad qui s'est battu contre Chuck Liddell, je ne sais pas. Hein. Moi, je pense que ça a été le meilleur combat de Rashad contre Thiago Alves, contre Thiago Silva. Puis, il a voulu revenir à ses origines pour faire une décision. Mais je veux dire, moi, j'adore Rashad Evans comme combattant. J'ai même vu aujourd'hui, j'y ai parlé au gym. Puis, j'ai même fait signer un chandail pour mettre à exposer dans mon fight shop. Mais je veux dire... Moi, j'aime beaucoup le Rashad, c'est peut-être contre Jack Liddell, puis j'ai hâte de voir. C'est toujours une question de match-up aussi contre qui va combattre. Mais il est petit un peu, hein, pour 205 livres, il n'y a pas beaucoup moi, de portée. Moi, je trouve qu'il est très grand pour 205 livres. Rashad est la même grandeur que mon frère Steve. Okay. Il est pas, même peut-être un petit peu plus grand, peut-être pas beaucoup, puis il est plus gros, c'est sûr. Mais c'est un gars, il pourrait faire 185, mais il veut rester à 205, il ne veut pas faire les grosses coupes de poids. Mais je veux dire, c'est un combattant incroyable aussi, il est très très bon. Moi, je l'ai vu entraîner, je l'ai vu rouler en jiu-jitsu avec des machines. Puis, c'est là, il est bon, là. Il est très très bon. Là. Puis, non, c'était tout un athlète, moi, je trouve Rashad Evans. Ah, puis là, s'il y a des gens qui nous ont écoutés, puis ils veulent l'acheter, ce t-shirt-là, signé par Rashad, il n'est pas à vendre, c'est ça? Il est juste. Ben, il n'est pas à vendre tout de suite, là. Il est exposé. Okay. C'est le chandail, j'ai pris le chandail de Team Ultimate Fighter, les jerseys qu'il portait pour le show. Je l'ai fait signer dans le dos, puis je l'ai affiché là. Dans la vitrine. Je fais souvent ça. Je fais signer les combattants comme Georges Goulet, Chad, Tito Ortiz, tout ça. Puis je les mets dans le vitrine pour le monde. Ah oui? À quelle occasion t'as pu voir Tito Ortiz? Est-ce qu'il vient à Montréal à l'occasion? Quand on a été à l'extérieur. Okay. Puis aussi, Tito lui-même nous a envoyé des choses autographiées parce qu'on est le MMA Fight Shop, on est la seule boutique qui a un acompte punishment au Québec. Au Canada, on n'a pas beaucoup. Fait qu'il prend très. Vous savez que Tito Ortiz, Punishment Athletics, c'est lui et sa famille qui s'occupent de ça personnellement. OK. Puis lui et sa femme et sa famille. Puis il prend très soin de ses acomptes. C'est un gars qui est. C'est un gars que vous savez, il va beaucoup dans les affaires pour aider les enfants malades. Puis tout ça. C'est un gars qui a un grand cœur, Tito Ortiz. Puis il prend très soin de ses clients pour sa compagnie. Puis il nous a envoyé souvent des posters autographiés, des choses comme ça. Et une dernière question pour vrai, c'est quoi ton souvenir le plus beau que tu as dans ta collection? J'ai pas grand chose, mais j'ai un chandail que j'ai à UFC que je fais qui est dans mon bureau. J'ai fait signer beaucoup de combattants dessus comme Kang, tous les gars de UFC, George, Rashad, toutes les personnes, j'ai fait signer ce chandail-là, puis je l'affiche. Puis quand il y en a qui fait non deal, je l'affiche. Je veux dire, je le fais signer, puis je le remets dans mon bureau. Puis je me suis déjà fait faire beaucoup d'argent pour l'avoir, mais tu sais, je veux le garder pour moi. Mais je suis pas je veux dire, pour moi, là, mon souvenir le plus qu'il faut pas qu'on touche, c'est ma ceinture de TKO. Puis ça, c'est je peux demander à tout le monde qui me connaisse, vous pouvez prendre tout ce qui est chez nous, mais prenez pas ma ceinture. Puis toutes ces choses-là, c'est pour moi, c'est des gros souvenirs. Ça représente beaucoup de sacrifices. Puis je veux dire, c'est sûr que je suis pas un gars, je veux dire, comme, c'est genre, j'ai pas un gars qui est très attiré aux bébelles, aux ceintures, ils s'en foutent un peu, je veux dire, lui, il veut se battre, tu sais, il veut être reconnu comme un des meilleurs, c'est sûr, mais moi, pour moi, ça représente beaucoup la ceinture des KO, puis c'est une grosse étape que j'ai eue, puis je veux dire, c'est la pièce que je tiens le plus. Alors, ben merci encore une fois, c'était super le fun, Stéphane. Puis bon, on te verra probablement pas cette année. Puis ton frère, c'est une bonne partie de l'année, mais je pense qu'on va peut-être voir ton cousin. Prochaine fois, on fera une autre interview. Là, j'ai Strikequest 11 qui s'en vient le 13 mars. Ah. Puis j'ai tout comme Guillaume Vigneault, comme d'habitude, qui est à l'affiche. J'ai pas encore son adversaire, il est à la tête de l'affiche. Ça, je mets beaucoup sur Guillaume, je l'aide beaucoup. Puis, on va avoir une bonne carte, j'espère. Puis aussi, prochainement, il y a un gros nom qui va venir entraîner à TriStar. Je ne peux pas rien dire tout de suite, mais c'est pas quelqu'un qui va faire le move ou qui va changer d'équipe. C'est juste quelqu'un qui va être de passage. Puis, ça sera le... Tu peux-tu nous dire sa catégorie de poids? Je peux pas rien dire du tout. Mais quand il sera ici, là, vous serez les premiers à qui je vais l'annoncer. Ah, ben c'est super gentil. On attend ça avec impatience. J'aime tout ça. Je veux dire, comme ça, on fan tout ça qui pense un peu à notre gym, à TriStar. Je veux dire, notre gym est un gros gym, énormément de membres, peut-être plus de 1000 membres. Puis, je veux dire, le monde qui s'entraîne là, les amateurs, ils arrivent dans le gym, dans la classe, ils voient un Rashad Evans, ils voient un Nathan Marquardt, ils voient Georges. Pour eux, c'est gros, puis c'est encourageant, puis ça aide à persévérer. Tu côtoies ces gars-là, je veux dire, tu peux demander des conseils, les gars sont ouverts. Je veux dire, Georges, il parle à tout le monde, comme peu importe qui t'es qui. Georges, il va rouler avec toi, peu importe que t'es un amateur, que ça fait 2 semaines, que ça fait 10 ans. Là. Je veux dire, Georges, il a toujours été comme ça, puis c'est genre, tout le monde est très, très social. Ouais, ben en tout cas c'est ouvert vraiment à tout le monde. Là. S'il y a des jeunes là qui sont intéressés à découvrir un peu les arts martiaux, il y a des classes de débutants, je veux dire, il y a des classes avancées, tout est bien géré. C'est Ferrez Zavi lui-même qui donne 90% de toutes les classes. Puis je veux dire, c'est l'entraîneur de Georges Saint-Pierre, puis c'est l'entraîneur d'une grosse équipe, puis c'est la chance qu'on a ici à Montréal de l'avoir. Puis je veux dire, il a évolué avec les années. Autant que Georges Saint-Pierre a évolué en tant que combattant, Ferrez Zavi a évolué en tant qu'entraîneur. Puis, je veux dire, on a une grosse équipe, un gros gym, puis je veux dire, n'importe qui, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas beaucoup de monde, des fois, qui pense que pour aller à TriStar, il faut avoir de l'expérience, il faut être bon, il faut être... Non, c'est ouvert à tout le monde, monsieur, tout le monde qui commence. Puis, ça, faut important de le dire, parce qu'il y a des personnes, des fois, qui ne veulent pas venir parce qu'ils disent que c'est trop gros, TriStar. Je veux dire, mais c'est pas vrai, tout le monde, c'est ouvert à tout le monde. C'est ça, puis tout le monde a commencé à quelque part. Là. Georges Saint-Pierre, il a déjà eu l'air fou comme tout le monde, j'imagine, la première fois qu'il a essayé. C'est comme que je dis toujours au monde, Georges Saint-Pierre, il n'a pas été Georges Saint-Pierre d'un coup sec comme ça. Là. Georges Saint-Pierre, il a été comme tout le monde, puis il a travaillé fort pour comme tout le monde, comme tous nous autres, on a tous fait ça. Là. Stéphane, merci beaucoup. On se reparle quelque part, peut-être un peu avant le mois de mars, pour qu'on puisse parler du prochain Fight Quest. Puis en même temps, on va se remettre à jour sur les petits potins, puis on va se parler des prochaines grosses cartes, soit du UFC, du Strike Force, ou peut-être quelque chose au Japon, puis des événements qui auront lieu au Québec à ce moment-là. Pas de problème, ça me fait toujours plaisir, Cam. Eh, hey, merci beaucoup, Cam, salut. Cam et Philippe? Fred. Frédéric. Ouais. Je savais que ça finissait comme ça, là. C'est bon, merci Stéphane. Merci à vous deux, de rien. C'est vraiment une des entrevues les plus intéressantes à chaque fois. Tu nous en donnes beaucoup, c'est intéressant. Merci beaucoup, puis à la prochaine. Bye. Salut.